Voici maintenant le deuxième conte de Voltaire, Janon et Colin, écrit et publié par Voltaire en 1764, soit 5 ans après le célèbre conte intitulé « Candide ou l'optimisme ».